Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères la bagarre ou la bagarre ou la bagarre? Moi, je préfère les histoires d'amour. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny! Don't be funny! Don't be the funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Waouh, sens du rythme impeccable. Aujourd'hui, épisode numéro 34, nous allons parler de Jack Reacher, en français Jack Reacher, et titre québécois, Jack Reacher. Sorti en 2012, réalisé par Christopher McQuarrie, où Tom Cruise joue le rôle de Jack Reacher. Allez, alors épisode spécial et particulier puisque nous avons une personne invitée, Marilyn est ici aujourd'hui dans une mission très précise. Marilyn, comment ça va ? Eh ben ça va très bien. Bonne année Marilyn. Bonne année Paulin, bonne année Serena. Bonne année Marilyn. Bonne année les crousettes. donc Marilyn, bah, tu es en forme hein, on ah, va moi dire. Je suis très en forme. Très en forme. Je suis là pour... Ça s'est décidé un peu au dernier moment et pour des bonnes raisons, j'ai l'impression. Oui, sous le coup de la colère, on peut dire. Ah, oh, spoiler. Voilà, qu'est-ce que Serena, ça va aussi ? Ouais, ça va. Cette nouvelle année qui démarre. Cette magnifique année pleine de promesses. Oh là là, c'est fou. Ouais, on n'enregistre pas du tout en 2023. C'est, non, c'est du pas fake. Encore. Ceci est du cinéma. Du mensonge, du faux, du fake. Allez, on discute, mais est-ce que vous aviez déjà vu Jack Reacher avant cette séance ? Bah moi oui. Bah oui. Bien sûr. Plus d'une fois. Oh my god. Et voilà, j'avais très envie de le revoir. Ouais. Et toi Marilyn ? Eh bien non, je n'avais jamais vu Jack Reacher. Reacher. L'inventeur de l'échelle de Reacher. Quel que soit son nom. D'accord. Donc voilà. Et t'étais curieuse ou pas ? Alors... pas du tout. Ah, puisque je pense qu'on doit, la vérité à vos auditeurices, hein, n'est-ce pas ? Ouais. Puisque j'ai regardé ce film sur les conseils de Paulin. Et oui. Étonnant. Il a des bons conseils, ce garçon. Quand je lui ai demandé, voilà, un film du dimanche soir. Voilà. Ouais. Et il m'a conseillé ce film. Et donc, je l'ai regardé. Et voilà. Très bien. Voilà. Et tu es venue ici pour en parler. Et je suis venue ici, vraiment, j'ai ça à toute vitesse pour en parler, parce que c'est pas super. Possible. C'est super. Et toi, Paulin ? Moi, figure-toi que je l'ai vu au cinéma. Oh, ah, c'est au sorti. Cinéma ? Ouais, truc wow. De fou. Et c'était une période où j'étais pas du tout intéressé par Tom Cruise. Et ça, c'est le film qui m'a fait me dire, tiens... Il y a un truc quand même avec ce personnage. Donc sans ce film, finalement, pas d'intérêt pour Tom Cruise, pas de podcast, pas de cruisomètre, tout ça. Donc, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est la fin de la musique, donc c'est l'heure du... Résumé. Alors, nous commençons notre film avec des titres très discrets. Paramount, Skydance, à Tom Cruise Production. Tout petit. On voit quelques images. On voit Tom Cruise tout petit en haut à droite de l'écran. Très discret, très beau, très élégant. T'as jamais été aussi précis sur les génériques. Mais ça alors m'a c'est en police 14. Mais c'est que ça m'a marqué parce que d'habitude tu écris Tom Cruise. Là c'était tout discret, presque transparent, la police et tout. Bon, on voit tous les noms de tout le monde. On a 12 minutes. Non, 12 minutes, j'exagère. 8 minutes de montage très serré où on comprend, je vais pas faire les détails de toutes les images, mais on comprend en gros, on suit un homme sur une fourgonnette qui s'égare dans un parking un peu en travaux, qui paye le parkimètre avec une pièce, qui prend un gros fusil et vise dans les parcs qui est en face du parking et choisit, on a l'impression au pif, 5 personnes. Et il tire et il tue ces 5 personnes. Il part La police arrive, les forces armées arrivent, il regarde la scène, il comprend que ça a été tiré de cette zone du parking, il regarde les preuves, il récupère la pièce du parkimètre, il trouve des... Les douilles. Les douilles au sol. Ils font un calcul, on voit des images de labo scientifique et tout ça, ils trouvent une empreinte digitale et ils trouvent un nom, James Barr. Ils trouvent James Barr, ils le récupèrent et ils l'amènent à l'interrogatoire. Oui. Oui, dans une tout à fait. Et tout ça sans parole. Sans parole. Quelles c'est vrai, images. C'est vrai. Fantastique, scène d'introduction. Bah, au moins, ça nous repose. La première phrase, c'est à 8 minutes 13, figure-toi. Et ça dit, en fait, c'est les policiers, Emerson, il y a deux hommes, il y a l'enquêteur Emerson et le procureur Rodin. Rodin. Je dirais Rodin. Comme oui, Rodin. Comme le sculpteur. Comme le sculpteur. Comme ça met une touche. C'est la classe. Et ils interrogent James Barr qui ne répond pas. Ils leur disent en gros, c'est la mort ou la vie. Là, il faut que tu décides. Soit tu te déclares coupable et on t'amène à la peine de mort. Soit tu te déclares coupable et tu peux décider de vivre mais galérer pour le reste de ta vie en prison. Donc tu choisis. Là, c'est un papier. Tu écris ta confession. Et qu'est-ce qu'il écrit, James Barr? Oui, je ne sais pas. Il écrit trouver Jack Reacher. Cut. Allez, alors ça, c'est mais une c'est tension de dingue. Ah, mais c'est qui? C'est fucking oui, Jack Reacher. Parce qu'il y a son nom partout, quand même. Bah ouais. Donc, on voit les deux policiers qui ont fait des... c'est un peu plus tard. Ils ont fait des enquêtes. Jack Reacher, c'est un ancien militaire de l'armée qui est parti en Irak, Afghanistan. Il a fait toutes les guerres. Il a eu des médailles. C'est un truc de ouf, fils d'une Française. Ah, je me souvenais pas de ça. Et d'un homme qui était dans la marine. Marine. Oui, un marine. Mm-hmm. Marine. Et il était enquêteur pour la police militaire, c'est ça? Et après, il est devenu enquêteur pour la police de l'armée, qui a eu un dernier cas. Et après, il a disparu pendant 2 ans. Pas de maison, pas de carte de crédit, pas de rien. Pas de téléphone, permis de conduire, pas de mail, pas de rien. Pas de chemise. Disparu. Pas de sous-vêtements, rien. Rien. Impossible de le trouver. C'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces trucs-là? Non, bah voilà, impossible de le trouver. Mais comment on trouve un homme qui ne veut pas être trouvé, se faire retrouver? Eh bah, ben, on ne le trouve pas. Voilà, fin du film. C'est lui qui vient vous trouver. Exactement. Et là, toc, toc, toc. Bonjour. Qui frappe à la porte? C'est la secrétaire qui dit, oui, monsieur Emerson, vous avez quelqu'un qui vous cherche, c'est Jack Reacher. What? Donc, Tom Cruise entre, magnifique. C'est ça, c'est à 12 minutes qu'on voit vraiment le visage de Tom Cruise, quand même, 12 minutes sans Tom jusqu'à là. C'était long. Hein. C'était long. C'était long, ça ennuyait. Mais c'est beau, parce que là, ça, je pense qu'ils grandissent. Et là, Rodin dit qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qu'il répond Jack Reacher? James Barr, le nom du condamné. Donc, il l'amène à l'hôpital et on découvre qu'entre-temps, les prisonniers, il a été mis avec d'autres prisonniers, il s'est fait tabasser presque à mort par un jeu un peu mafieux. Disons, ils l'ont laissé se faire tabasser. Il est en coma. Donc, il est en coma dans un lit d'hôpital. Jack Reacher le regarde et dit, bon, merci beaucoup, au revoir. Je peux regarder les preuves de l'enquête? Non. Bon, je me casse. Ciao. Arrive, donc les autres ils disent non, mais pourquoi vous partez? Pourquoi le mec il a parlé de vous et tout? On comprend pas. Il dit il y a rien à comprendre. Et là arrive Helen Rodin, Rosamund Pike. Ça s'appelle Rodin aussi? Rodin, mais Rodin. C'est quoi vous les êtes, Rodin? Vous êtes les mêmes Rodin de la Rodinerie? Oui, c'est les mêmes Rodin. C'est la dynastie Rodin, le père et fille. Donc Helen, on découvre qu'elle est l'avocate de James Barr. Et qui cherche aussi Jack Reacher pour en savoir plus. Parce que son but à elle, c'est pas de l'innocenter. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui, mais de lui éviter au moins la peine de mort. Donc Jack Reacher il dit bah, c'est con parce que moi je suis sûr que c'est lui qui l'a fait parce que ça s'est déjà passé dans les passés quand il était dans l'armée. Il avait un dagué sur C. James Barr qui était un tireur un peu. Il s'est enrôlé en gros dans l'armée pour tuer des gens légalement. Il était tireur, il a visé des gens pendant je ne sais pas combien de mois, mais genre 18 mois sans jamais pouvoir tirer. Les derniers jours, quand ils l'ont rappelé à la maison, il a pété un câble, il a tué 4 personnes au pif. Et ces choses-là, ça n'a jamais sorti parce que, par hasard, il a tué 4 personnes qui avaient participé à un viol collectif. Donc, ça a été passé sous le toque. Donc, il s'en est échappé. Et moi, je suis là parce que j'avais promis que j'allais le faire condamner. S'il faisait une autre erreur, j'allais le faire condamner. Oui, qu'il le surveillait. Donc, elle dit, oui, d'accord. Moi, j'ai besoin d'un enquêteur quand même sur ce cas. Il a parlé de vous. Je veux que vous soyez mon enquêteur principal. Elle dit non, non, non, non. Et finalement, il dit oui. Bon. Oui. On va pas. Il faut dire qu'elle est blonde. Ah oui, elle est blonde. Voilà, est blonde. Je voulais juste dire ça. Elle est blonde. Ah, et alors okay. Et qu'est-ce que t'as contre les blondes? Rien du tout. Toi-même, rien du tout. Blonde, non, mais au cas où, note pour plus tard, elle est blonde. Au cas où les auditoristes n'aient pas vu le film, je précise juste pour qu'ils aient un truc d'imaginaire. Ouais. Elle est blonde. Elle est blonde. Et Tom Cruise, bah, il est brun. Voilà. C'est Rosamund Pike, quoi. Oui, c'est Rosamund Pike. Et lui, il dit, d'accord, j'ai un dague sur James Barr, mais je veux un échange en condition, tu as un dague sur les victimes. Et elle dit OK. Donc elle va voir les familles. Oui, tu rencontres les familles des victimes. Voilà, elle va rencontrer les familles des victimes. C'est pas tout à fait simple parce qu'ils lui en veulent parce qu'elle elle est avocate du gars qui a tué leur proche. Proche, voilà. Bon, détail. On voit tac tac tac tac. Ah oui, Jack Reacher va dans un bar. C'est détendre. Il y a un début d'une blague. C'est Jack Reacher dans un bar. Rentre dans un bar avec John Wick et. Non, il va dans un bar et il y a une fille qui se présente. Elle dit je m'appelle Sandy. Il y a une petite. Elle essaie de le draguer. Ah, mais vous partez, mais vous venez. Ici, il y a trop de bruit, machin truc. Elle dit non, mais je ne peux pas me permettre d'être une fille avec toi. J'ai pas suffisamment d'argent, je sais pas, il dit un truc. Elle dit quoi? Tu dis que je suis une pute? Ah, les gars, elle m'a parlé, il m'a dit que je suis une pute. Donc, 5 gars arrivent et disent c'est notre petite sœur, on va te buter. Tu préfères ici ou tu préfères à l'extérieur? Jack Reacher, il dit ok, à l'extérieur. Ils vont à l'extérieur, bagarre des ouf. Ils sont 5 contre 1. Jack Reacher, il les défonce tous dans une bagarre mythique. Mais quand il a. Qu'il a défoncé les derniers du groupe, la police arrive direct et dit « Ah, bizarre, vous êtes efficace, les gars. Ça arrive un peu trop vite. » Et on comprend qu'il a été, disons... Piégé. Donc, il se retrouve à la police. Il arrive à s'en sortir parce que personne ne porte plainte contre lui. Donc, il se retrouve avec Hélène et lui dit « Alors, sur ces victimes, qu'est-ce que t'as su ?» Alors, elle dit, la première, c'est une fille, c'est une babysitter. La deuxième, c'est une nana qui travaille dans un hôtel, voilà. La troisième, c'était une nana qui avait acheté, elle était allée acheter un cadeau pour son mari. La quatrième, c'était une dame qui a détesté pour toute sa vie la boîte de son mari. Son mari, il s'est suicidé. Elle devait rendre la boîte. En fait, non, elle voulait la garder. Donc, elle était à un rendez-vous pour aller... Rendez-vous d'affaires. D'affaires. Et la cinquième, c'était un homme qui venait de se bagarrer avec sa femme et qui avait des roses... Posées à côté de lui. Posées à côté de lui. Qui, voilà, voulait se faire pardonner. Donc... voilà. Ça, c'est tous les victimes. Il a choisi 5 victimes. Au hasard. Mm-hmm. Mm-hmm, mystère. Hasard. Ok. Donc, il dit... Tant qu'il s'est dit, ok, d'accord, là, il faut un dague mieux sur Barr. J'ai besoin d'avoir les relevés de sa carte de crédit pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, machin. Il se drague à moitié. Mm-hmm. Scène chelou. Tant qu'il s'est torse nu, il s'approche vers son elle fait voir l'embrasser, en fait. Juste, il la laisse partir. Oui. Très chelou. Oui, tu crois qu'il la drague, toi? Moi, je pense oui et non. Ouais. Il joue de son petit pouvoir. Mais bon, Ouais. Elle, elle se fait complètement avoir, elle rigole, elle se casse. Je pense qu'on en rediscutera. Oui, vu le regard que Marine vient de nous jeter, non, on là, en rediscutera. Juste un résumé. Oui, oui, non, mais sois objective. Restons objectifs sur les faits. Restons sur les faits, on verra après ce qui se passe. L'analyse des faits. J'ai un peu laissé volontairement des côtés une contre-histoire de Linsley, un gars qui, on voit un moment récupérer des sous, une grosse valise pleine de sous d'un homme avec un casque des chantiers. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui est mafieux du chantier, qui reçoit un coup d'appel, qui dit c'est qui Jack Reacher. Donc on comprend qu'il le cherche. C'est lui qui a, on comprend plus ou moins que c'est lui qui a envoyé les 5 gars le tabasser. Et le mec qui est, en fait, il a un rendez-vous avec le tireur du début. Quand on a vu dans nous les tireurs du début, c'est important. On l'a vu dans le visage. Nous, en tant que spectateur, on sait que James Barr n'a pas fait ça. C'est un autre homme qu'on appellera le blondinet. Il faudra ça parce qu'il est un peu blond. Et donc, qui est super méchant, le blondinet. Ah oui. Donc, et Linsley, je crois qu'il s'appelle, bon, le sous-fifre là, qui fait tous les manigances, disons, du terrain, il a rendez-vous dans les noirs, dans une ruelle sombre, avec de la fumée, avec le blondinet. Il lui dit, bon, en gros, t'inquiète, je me suis occupé. Bon, Jack Reacher, il a battu les 5 gars, c'est incroyable parce que j'en avais envoyé 5, c'est trop nul. Il dit, mais est-ce que quelqu'un savait que c'était toi? Il dit, oui, mais t'inquiète, je l'ai tué. Oui. Donc, oui, mais tu l'as tué, mais il est où les corps? Il dit, mais non, j'ai tout arrangé, je l'ai divisé en plein de petits bouts, il est un peu partout. Il dit, mais non, une personne disparue n'est pas une affaire réglée, c'est une personne disparue. Donc, ça, c'est con, c'est la deuxième fois que tu fais cette erreur. Et donc, là, de l'ombre sort les magnifiques méchants. Werner Herzog, quand même. C'est classe. C'est classe. Avec un œil bleu. Et un œil mort. Enfin, un œil mort, tout vieux, avec presque plus des doigts. Oui, c'est ça. Il s'appelle c'est ça. Le Zec. Le Zec. Qu'on appelle le Zec. Donc il dit, non, je ne veux pas vous voir. Tu sais, ces doigts-là, je les mangeais en Sibérie. J'étais un prisonnier. J'avais qu'un manteau pour me tenir du chaud. Et j'ai bouffé de mon propre doigt. La gangrène, ces doigts-là, je les mangeais, je sais pas. En gros, il s'est lui-même arraché tous les doigts. Il dit, bon, tu peux survivre seulement si tu arrives à manger ton doigt. Et logique. Le mec, sinon tu meurs. C'est imparable. Sinon tu meurs. C'est ça. C'est quand même... Donc ouais, les gars, bon il essaie de manger ses propres doigts. Il essaie d'arracher avec ses dents son propre doigt. Il n'y arrive pas. Et il pleure pas mal, ouais, un peu, quand même. Ouais, faut le dire. Un peu traumatisant, quand même. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment effrayant, quand même. Moi, ça m'a pas fait rire. J'étais là, ah, comment tu fais? Bon. Et les gars, et les Zecs, ils disent... Comment on fait? Bah ouais, c'est chaud. Faut des putains d'incisives, quand même. Bah grave. Non, moi, mais clairement, je pense qu'en vrai, c'est pas possible. Ah, ouais, je pense que c'était un pistolet à la tête. Bon, bref. Ouais. Et le gars, il dit, non, je peux pas. Et les Zecs, le grand méchant, il dit... Tout le monde choisit le pistolet, c'est ouf. Et bam! Déception, quoi. Déception. Et bam. Il s'est fait boot. Ouais. Quatre, on revient avec Jack Reacher et Hélène. Et Jack Reacher, il indague et il veut retrouver Sandy, la fille qui... Du bar. La fille qui savoir qu'il avait... Qu'il avait engagé. Piégé. Donc, il retrouve Sandy. Sandy, elle lui dit, non, mais je ne sais pas, c'est Jeb Oliver, donc qu'il habite là-bas. Il va chez Jeb Oliver. Il ne le trouve pas. Il y a 3 gars qui se présentent avec 3 pistolets. Il les défonce. Facile. Il les tue même. Classique. Et bah, c'est dans la maison des Krakos. Ouais. Avec les battes de baseball et tout oui, ça. Oui, oui. Ah oui, ils se prennent quand même un bon coup de batte. Ah oui, oui. Ouais, dans la nuque. Là, ouais. Il se prend des bons coups quand même. Mais il survit bien. Ben oui. Un gros coup de batte quand même. Pas... Ouais, c'est vrai. Voilà. Marilyn, quand même. Ouais, tout le monde cherche Jack Reacher, c'est un hasard. C'est super. Bon, donc il arrive à les battre et il arrive à en choper un qui raconte en gros que Jeb Oliver, il a disparu. Donc, pas des pistes. Voilà. Fin de l'enquête. Non, pas fin de l'enquête. Entre-temps, il était déjà allé sur les lieux, machin truc. Il se retrouve avec Hélène et il explique sa théorie. Il dit, en gros, James Barr, il était un tireur moyen. Moi, j'étais convaincue que c'était lui le coupable. En fait, je suis allée sur les lieux. C'est trop bizarre qu'il soit allé dans les parkings alors qu'il pouvait tirer d'un autre endroit sans les soleils contre, dans sa fourgonnette, ça aurait été vachement plus simple. Je pense que c'est pas lui. Eh oui. Merde. Oh my god. Donc, en plus, il y a une voiture qui me suit depuis les débuts de cette enquête. Donc, je veux que tu demandes la plaque. Et il dit, en gros, ah ben, elle dit, mais moi, j'en ai rien à foutre qu'il est innocent. C'est pas mon job de découvrir c'est qui a fait. Moi, je dois juste prouver qu'il a pas fait les trucs, mais après, de trouver qui a vraiment fait le truc, je m'en fous. Et Jack Reacher dit, ah ben, c'est con. Il faut faire justice, en gros. Oui. Donc, elle demande quand même les numéros d'immatriculation de la plaque et elle découvre que ça appartient à la société Lebendauer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est des Allemands, ça, non? Des Russes? Des Allemands, des Russes? Et est-ce qu'on connaît d'autres Allemands dans l'histoire? ça lui rappelle un truc. Moi, j'en connais peut-être. Un, mais je ne sais pas. Donc, elle voit sur les photos la nana qui avait la boîte des constructions qui devait aller. Faire ce rendez-vous d'affaires. Vendre la boîte, du coup. Ça s'appelait, sa boîte à elle, ça s'appelait Online Archer et avait un cas contre Lebendauer, donc cette boîte. Et donc, il découvre qu'en réalité, 4 personnes ont été tuées au hasard, mais une personne, c'était une vraie cible et que les 4 autres étaient... Et là, pour maquiller... Ben, c'est ça, pour faire genre, maquiller c'est une furie de masse, alors qu'en fait, non. Pas du tout. Et en plus, que Jack Reacher, il dit, mais c'est un truc des ouf parce qu'il y a trop d'épreuves. Trop d'épreuves sur ces cas, tu vois. James parlait déjà, il n'était pas si bon. Et en plus, il y a trop... C'est trop évident. C'est un peu piégé. On sent le piège. Donc, elle dit, ouais, c'est une super bonne théorie, mais c'est quand même une théorie. On n'a pas de preuve que c'est quelqu'un d'autre. Et il dit, bah, je pense que Barr, il devait avoir un ami qui est vachement meilleur un tireur que lui et qu'il faut que tu le trouves et que... Et qu'on découvre, tu vois, qui c'est d'autres gars et peut-être on a une piste. Donc, elle dit, bah, d'accord, je t'aide. Entre-temps, on voit les blondinets qui retrouvent Sandy, la pauvre choupie, qui la drague à moitié, la tue. Ouais. Et la cache. Merci d'être venu. À côté de la maison de là où il dort, Jack Reacher, Tom Cruise. Oui. Donc, Tom Cruise, il va pour aller à la maison. Et il voit la police qui vient de découvrir les corps. Donc, Emerson qui le voit, qui commence une course-poursuite avec lui. Entre-temps, Tom Cruise... En voiture. Course-poursuite en voiture, c'est très important. Bah, Tom Cruise est en voiture, mais la police, il y a je ne sais pas combien de voitures de police. C'est ouf. Et surtout, lui, il est lui-même déjà suivi par les blondinets et l'autre et un autre méchant qui vient de tuer Sandy. Donc, course-poursuite, la police, c'est tout un bordel. Il essaie de faire s'est tapé dans la voiture des méchants. Puis, il a la police en face. Puis, il s'échappe. Puis, il les perd. Puis, il les retrouve. C'est un truc de ouf. Jusqu'au moment où il arrive sur une grande place, il voit plein de gens qui regardent. Il n'y a pas de voiture. Il descend de la voiture discretos. Il se met avec tous les gens qui attendent les bus. Et les gens qui attendent les bus le cachent parce qu'ils découvrent qu'il est un peu recherché. On va savoir pourquoi il l'aide. Omerta. C'est des gentils, en fait. C'est Tom Cruise. Ça, c'est moi. Et il monte sur les bus et il arrive à s'échapper de ce gros bordel. Mais là, bon, c'est un peu la merde parce qu'il est recherché pour homicide quand même de cette pauvre Sandy. Donc, on voit Hélène, Emerson et Rodin dans une même pièce où Rodin et Emerson, ils disent « Mais dis-nous, c'est Jack Reacher, on doit trouver Jack Reacher. » Et Jack Reacher, entre-temps, il a découvert que James Barr allait à un stand de tir. Un stand de tir qui était très loin de là où il était parce que c'était un stand de tir super réputé avec grand espace et tout ça, en Ohio. Donc, il essaie d'aller vers là-bas. Il appelle Hélène, il dit « Ils sont là chez toi ?» Elle dit « Oui ». Ok, d'accord. Sache que s'ils ont piégé James Barr, ils m'ont piégé moi aussi. Donc, ne leur dis pas surtout où je suis. En plus, je voulais ta voiture, entre autres, parce que j'en ai plus. Mais voilà. Je vais à Ohio. Allez, bisous. Bisous, merci. Donc, elle décide de le couvrir quand même, parce qu'elle veut aller un peu au bout de... Bah, parce qu'elle se méfie aussi. Oui, parce que elle se méfie quand même de son père et de l'enquêteur. Elle commence à avoir des doutes sur tout ça, quoi. C'est Tom Cruise lui dit aussi au téléphone. Sache que je suis suivie depuis les premiers jours. Les seules 3 personnes qui savaient que j'étais là, c'était toi et Emerson et Rodin. Donc c'est qui la top Oui, c'est ça. Et elle commence à avoir de sérieux doutes, Attendez, c'est la topa. La talpa. Dove sta la talpa in italiano? En espagnol, En espagnol, je crois. Je sais pas du tout. Moi, taupe en espagnol, je l'ai pas. Tu es pas taupe. Donc, elle dit, OK, elle le couvre. Tom Cruise, entre-temps, Jack Reacher, il va en Ohio. Il arrive au stand des tirs. Il trouve un super papy trop sympa, le propriétaire, qui s'appelle Martin Cash, qui, en gros, il se méfie un peu de lui. Ils arrivent à être potes, qui lui explique que James Barr, il venait... Ah, d'abord, il lui dit, oui, je peux te donner des informations si tu tires trois fois dans la cible. Évidemment, il le teste. Oui. Il le teste. Bah, oui. D'ailleurs, c'est Robert Duval. Oui, mais il est pas mal. Oui. On les fait. Analysera après. Il tire, il arrive à faire trois tirs, donc il devient ami, il parle, il lui raconte qu'en fait il a une caméra cachée qui filme tous les gens qui passent. Donc il regarde et il voit James Barr arriver avec un homme, et c'est qui cet homme ? Les blondinés ! J'en t'as eu, bâtard ! Oula ! Pardon. On est encore dans les faits, là. Entre-temps, Hélène... va voir son père. Elle a fait plein d'enquêtes sur Lebendauer, la fameuse boîte machin, et elle découvre en fait que c'est des mafieux, quoi, qui arrivent à avoir toutes... Qui achètent plein de choses. Et qui font plein de travaux qui ne servent à rien et qui ont plein de sous. Bah, c'est comme d'hab, hein, les mafieux, c'est le BTP. Hein. Ouais, on le sait bien d'ailleurs. On le sait, dans tous les films, c'est ça. On salue tous nos amis du BTP, bande de mafieux. Donc, le père, elle dit, bon, j'ai pris tous ces documents avec mon nom, papa. Si tu es dans l'affaire, sache que si on met tu, c'est ta faute. Eh oui. Oui. Donc, elle le met en danger. Jack Reacher lui avait dit, ne fais pas ça. Elle l'a fait. Oui, mais bon. Voilà. Mais bon, elle l'a fait. Le père, il dit, OK, maintenant, mais moi, je suis pas méchant. Mais bon, on n'y croit pas. Non. Elle part, elle prend l'ascenseur. Et c'est qui bloque l'ascenseur à la dernière seconde? Mais c'est Emerson! Oh mon dieu! Oh non! Qui, en fait, lui donne un gros coup de teaser et part avec elle, avec les blondinés et d'autres. Ah, je crois que c'est un taser, parce qu'un teaser, c'est. Ah oui, pardon, taser. Ouais, les... un coup de teaser, je me disais comment il fait. Il prend une vidéo YouTube, il dit tiens! Ce serait drôle quand même, ça. T'as vu la dernière? Regarde! Mais ça lui vite! Et là, tombe dans les pommes tellement c'est fou. Je pense que tu peux assommer des gens avec certaines vidéos YouTube. Ouais, clairement. Avec un teaser de je sais pas quoi. J'ai pas d'exemple là, mais. Ouais. Bref. Bon, on est presque à la fin. Jack Reacher appelle à Hélène. Les blondinés répondent. Il essaie de lui dire, on a cette fille, si tu n'arrives pas ici entre 24 heures, on va la buter. Lui dit, je n'ai rien à foutre que vous la butez. Et lui, moi, je vais plutôt jeter tes images et tout. Je sais qui tu es. J'amène à l'FBI. Pam, il lui accroche le nez. Après, Jack Reacher, il rappelle, il dit, je veux parler avec Hélène. Et le gars, il dit, non, mais t'as 24 heures, je te dis, sinon j'ai... Et pam, Jack Reacher, il lui raccroche le nez. Après, le rappelle, et en gros il arrive à se faire entendre, il se fait donner une adresse de où ils sont. Donc il appelle Martin Cash, le propriétaire du tireur de gants, pour qu'il lui ramène des pistoles, des armes et tout ça. Et Martin Cash, il se présente, et en fait il lui amène juste un couteau pour lui, et il a un méga flingue de ouf malade pour Martin. Un fusil de sniper. Pour faire les tireurs. Il lui explique, alors là, tu auras des gens là-bas, nanana. Tu sens, les vieux, il est méga expert, quoi. Ah ben, oui. C'est les chefs du monde. Il garde un œil fermé pour préserver sa vision nocturne. Ouais, c'est un truc de fou. Ça, c'est bien. C'est trop... Mais ça, c'est bien. Moi aussi, des fois, je le fais en régie. Ah oui? Bah, pas un œil. Des fois, je ferme les yeux voir après d'un an. Oui, c'est vrai. Mais bon, okay. Tu es tireuse d'élite. On le dit en fait dans la vraie vie, ça y est, c'est bon, ça se sait. Serena est tireuse d'élite. Non, bon. Donc, Martin, il est caché derrière un caillou. Derrière un caillou, oui. Tout à l'heure. Un gros caillou. Il dit, par contre, je ne vais pas tirer en premier. Il faut qu'ils tirent en premier, sinon ils savent où je suis. Et ton président dit, mais comment ils font pour tirer en premier? Eh bien, tu dois commencer à courir. Donc, il rentre dans la voiture. Je pense qu'il faut quand même rappeler que donc, il n'a qu'un couteau, Tom Cruise, là. Oui, il a qu'un couteau. On est bien d'accord. Un gros couteau. Mais il n'a qu'un gros couteau. Je trouve que c'est important. Donc, Tom Cruise prend la voiture d'Hélène, qu'il avait volée, et il commence à foncer dans une grosse... C'est une espèce de carrière immense. Et tout le monde commence à tirer dessous, donc les papis, ils écoutent pour voir d'où les tirs ils arrivent. Donc c'est « Oui, papy, vas-y, enchaîne. Qu'est-ce qu'il fait ?» Il met mille ans à tirer, il met mille ans à tirer quand même. Oui. Ouais. Mais il se concentre. Donc, et il ferme les yeux. Oui. Il tire, ils arrivent à... Certains, c'est Martin qui arrive à couvrir Tom Cruise. Des fois, Tom Cruise arrive à tuer un ou deux. Bref. Il perd son couteau. Il perd son couteau. Pas de bol. Il arrive à rentrer dans la maison, mais en fait, elle n'est pas là-dedans. Il découvre que c'est encore plus loin, donc il va plus loin. Entre-temps, les blondinés, deux de ses hommes sont morts, donc il va en chercher d'autres. En gros, il y a Kay Emerson, le Zec et Hélène dans une petite maison, et Blondinet. Et deux hommes qui sont envoyés à l'extérieur. Tant que ça arrive, il bute les deux hommes. Blondinet sort. Tant qu'il arrive à l'avoir assez vite, il le tient sous les tirs de sa mitraillette, qui a chopé entre-temps, oui, parce qu'elle est trop forte. Et il jette sa mitraillette. Parce qu'il se dit non. Et il se bagarre. On va faire une bagarre. À l'ancienne. Belle bagarre. Bagarre, ouais. Bagarre, magnifique. Il arrive à les buter. Emerson, entre-temps, il se cache derrière Hélène et il tient sous tir la porte. Et il la tient en otage. Il a un flingue sur la tempe d'Hélène et un flingue sur la porte. Et il attend Jack Reacher. Et il la utilise comme bouclier humain. Jack Reacher dit « Emerson, je sais que tu es là, machin truc. Parce que c'est sûr que c'était toi. Parce que qui aurait jamais eu l'idée de trouver une pièce dans un parquimètre dans une tuerie ?» C'était qu'une taupe. Taupe maudite. Donc, il rentre, pam, il arrive à tirer un truc à Emerson, dead. Oui, alors comment il fait? C'est incroyable. Il n'y a vraiment pas la place. Hein, mais... Non, il n'y a pas la fort, place. Mais il est fort. Il est fort. De Jack Reacher. Ouais. Bah, t'as vu, il a fait 3 tirs dans le cible. Bon. Ouais. Donc, il y a Hélène, il y a Tom Cruise, Jack Reacher, et il y a le Zec. Donc, il y a le papy, là. Et Tom Cruise, oui, le qui est quand même à la tête de toute l'organisation, oui, qui est le grand méchant, quand qui même. Est le grand méchant. Oui, mais donc, que personne connaît. Tom Cruise dit à Hélène, appelle la police et tire le Zec. Il dit, bah, tu iras. Et il dit, ah, les Zec, ça veut dire prisonnier. Comment tu t'appelles? Tcheloviek. Zec Tcheloviek. Donc, prisonnier humain. Donc, les prisonniers, être humain. Il dit, ah, mais tu vas bien te retrouver. Tu vas bien te sentir en prison. Il dit, la prison rue américaine. Les vacances. Une maison de retraite. mais tu penses que c'est moi qui vais aller en prison? Genre, le vieux papy qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou toi qui étais un daguet pour le meurtre? Et Tom Cruise, il réfléchit 2 secondes. Et dit, oui, t'as raison. Aucun des deux. Pouf, et le tue. Il se bat. Justice. Et Hélène dit, mais quoi, qu'est-ce que t'as fait et tout? Elle dit, non, mais c'est bon, ça y est, moi je me casse et je disparais. Elle dit, oui, mais pour les cas de James Barr et tout, comment je vais faire? Et pour toi, t'es un dague d'homicide, il faudrait. Elle dit, non, mais t'as pas besoin de moi pour faire tout ça, moi je me casse. Il se casse avec Martin qui l'amène, je sais pas où. Il veut prendre un bus. Prendre un bus. Oui, possiblement, oui, un bus. Mmh. Bah oui, un peu sur le voie. Ils prennent beaucoup de bus. Transport en commun. Jack Reacher est très, très transport en commun. C'est vrai. Bah oui, mais parce que comme ça, il est indétectable. Exactement, oui. T'as tout compris. Et on voit donc l'épilogue. James Barr qui se réveille, Hélène qui le voit, et James Barr, il se rappelle de rien. Il dit, non, mais c'était moi, c'est sûr, ça m'est déjà arrivé dans les passés, il s'est passé ça, je suis horrible. Elle dit, oui, mais tu reconnais cet endroit? Il lui montre les parkings. Il dit, oui, comment tu aurais fait pour buter ces gens? Et il dit, bah, je me serais mis sur les ponts et pas du tout là où il s'est mis réellement. Parce que je le connais, je sais, c'était simple, machin. Que c'était la théorie de Jack Reacher. Donc elle dit, ok, d'accord, t'inquiète, ça va aller. Le père Rodin, il est là, il comprend qu'on comprend qu'il ne sera pas condamné. Et Jack Reacher, on le voit dans un bus, on voit des femmes qui se bagarrent avec son mec et qui s'élèvent de son siège. Et c'est parti! Fin du film! Bravo! Bravo Serena! Merci! Allez. Morceau de bravo! Morceau de bravo! Allez, un autre morceau de bravo, on se fait un petit extrait. Oui. On va se regarder la bagarre du bar. Avec les 5 gars. Avec les 5 contre 1. Alors, Sandy et 4 gars. Ouais. 5 gars. Et ses 5 frères. Hein, entre Tom Cruise au milieu. Avec qui tape dans l'air pour faire genre je m'échauffe. Évidemment, c'est la nuit. Still think you're funny now, creep. Shut your mouth, Sandy. No one is talking to you. Ok. Sandy, déjà, c'est un truc de bonhomme, t'as compris ça? Ouais, l'autre mot, le mec, il dit « Ta gueule, meuf !» Tom Cruise n'est pas content. La phrase mythique. You're kidding, it's 5-1. Là, on est 5 contre 1. Non, t'as mal compté, mec. On est 3 contre 1. Ah bon? Comment tu fais? Ah bon? Bah vas-y. Ah, c'est ça, c'est une fois qu'il y en a un de moins, une fois qu'il n'y a plus le leader, il y en a 2 qui se battent. Toujours. En courant en général. Ils ont toujours peur. Il fait ça souvent. Et là, évidemment, Tom Cruise fait oui. Non, il dit pas oui. Non, il dit pas. Il est tard. Il est tard. Non. Ouais, non, mais il fait un clavier. Mais n'oublie pas, c'est toi qui l'as voulu. Ça, c'est affreux. Et l'autre, il a trop la confiance, toujours. Grave. Et c'est parti. Hop, esquive, coup dans la tête. Et après, il le prend. Ah, coup dans les testicules. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 1-0. Il est trop fort, ce comédien, à faire les coups de la souffrance. Sandy, elle est. Elle a un peu peur. Elle est bouche bée. Ouais. Là, il y en a deux qui s'approchent. Ah, on voit plus clair. Allez, c'est parti. Bam. Hop. Le coude, la tête. Coup de deux sur un. Un troisième. Hop, le genou, la cheville. J'ai nous pété. Et là, il tient la jambe du gars. Et bam, dans les testicules. Un coup. Encore. Encore. Ah, oui. Il en reste deux. Il en reste deux. Encore. Un autre dans les testicules. Et la police arrive. Et on entend la police. Les deux. Évidemment, ils se cassent. Les deux, ils vont se casser. Et la police arrive. Donc, c'était bien 3 contre 1. Et Sandy aussi, c'est quand même. Doucement, il y a des choses à se reprocher là, Sandy. That's a pretty impressive response time, fellas. Ouais. Pas mal. Qui va commencer à donner son avis? Est-ce qu'on libère le Kraken? Non. Libère le Kraken. Ou est-ce qu'on alterne? Allez-y. Que je parle plus. Donc soit c'est Paulin, soit c'est Marilyn. Paulin, vas-y parce que. Parce que bon, donc, j'y vais soft et puis après c'est Marilyn qui va. Ouais. C'est normal. Vas-y. Alors Jack Reacher. Bah déjà, un truc. C'est pas le premier film réalisé par McQuarrie, c'est son deuxième. Mais alors, quel metteur en scène, ouais. J'ai envie de dire. On est sérieux ? Incroyable. C'est quand même super bien. La première scène où t'as les 10 minutes là, dans le silence, où ça te pose toutes les choses avec les cadrages et tout, très très efficace. Oui, non, mise ça, en c'est scène méga très efficace. Très efficace. Il explique jamais. Dans toute la première partie, ça aurait été hyper simple d'expliquer. En fait, il dit rien. Tu dis rien et tu comprends tout. T'as le truc. Okay, et okay, t'as okay. Ce twist où tu vois justement la tête du tireur. Et moi, de suite après, enfin à la fin de la scène, et de suite après, tu vois celui qui est accusé. Donc tu dis, ok, bon, il y a un méga embrouille. Après, t'as plein d'autres scènes quand même qui sont hyper bien mises en scène. La scène de la bagarre, elle marche super bien, quoi, avec les plans dans la rue, les plans en contre-prolongé, tout ça pour le faire apparaître plus grand. Ouais. La fin aussi dans la carrière, je trouve qu'il y a un rythme, il y a un truc. Donc mise en scène vraiment très très bien. Ouais. Je suis d'accord. Course poursuite et tout ça. Après, on est sur du film assez classique dans le sens où c'est comme les films de Vigilante des années 70, quoi. Tu sais, les Charles Bronson, tout ça, quoi. Ouais. Ça va être la limite de l'exercice. Ça reste quand même des films de droite, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Oui. On va oui. dire, tu vois, c'est jouissif parce que c'est de la bagarre, c'est complètement idiot. Ouais. Mais t'as pas du tout envie d'avoir ce genre de réaction dans la vraie vie, quoi. Jack Reacher, c'est quand même un mec qui fait tout en dehors des clous. Qui veut surtout pas se soumettre à la justice, mais qui fait justice lui-même. Ça reste quand même quelque chose de très, très questionnable. Mais bon, comme tous les trucs de super-héros, c'est pareil aussi. Hein. Ouais. Mais à part ça, par contre, ça remplit complètement son contrat. C'est-à-dire que c'est du truc assez brutal, quoi, de bagarre très, très sèche. Mais t'as quand même ce petit côté thriller que je trouve plutôt chouette, quoi. Donc, l'enquête, t'as les petits twists, les machins, etc. Et ça remplit très, très bien, je trouve, sa fonction dans le film, quoi. Si vous voulez réagir, allez-y. Hein, parce que... Non, mais là, si j'ai réagi. Je pars. Je claque la tête. Vas-y, peut-être je me casse. Alors, je suis beaucoup moins expert que vous sur les trucs de mise en scène et tout ça. Donc, admettons, j'admets. Allez, ça, c'est pour moi, ça va. C'est pour vous, je vous le laisse. Possiblement que la mise en scène est très bien faite. Après, moi, j'ai un Le premier mot que j'ai écrit sur le peu de notes que j'ai pris, parce que voilà, c'est gênant en fait. Moi, je trouve ça ultra gênant. Pour moi, le scénario, il tient pas. Et j'ai l'impression que le mec qui a écrit ça, c'est possible, c'est un mec. Oui, c'est un mec. Ouais, oui, voilà. C'est il s'est juste dit, ok, c'est quoi les scènes cool qu'on pourrait faire? On pourrait faire une super course-poursuite de bagnole. On pourrait faire une super fusillade dans un terrain vague avec des gros engins, machin. On pourrait faire, la scène de bagarre de bar. Ok. Donc, il y a ces grosses scènes-là, machin. Et qu'après, il a cousu un petit truc d'intrigue vite fait autour, mais qu'en vrai, pour moi, les gros méchants, c'est pas vraiment des gros méchants, même si il fait quand même son petit effet, le Zec, j'avoue. Ok. Ah, quand même, le Zec. Mais c'est la gênance ultime, quoi. Mais du coup, attends, parce que moi je veux. Parce que là, t'es en train de définir un petit peu le cinéma. Non, mais par rapport au scénario, c'est parce que tu trouves. Genre, c'est une vraie question réellement intéressée. Je sais pas pour tes piéger, mais est-ce que tu trouvais vraiment. Toi, puisque tu l'avais pas vu, ouais. Par rapport à l'intrigue, par rapport aux morts et tout ça, c'était clair pour toi qu'il y avait un truc. Genre, il a pas tué au pif. Oui, oui. Non, mais ça, c'est clair, très clair. Je veux dire, dès le début, toi, tu disais ça ou t'avais quand même un peu le goût de l'intrigue de te dire, ah, c'est qui voulait vraiment tuer? Ou au début, tu pensais que c'était tué au hasard? Tu vois ce que alors, je veux dire? Alors, au début, j'ai jamais trop cru au truc de tuer au hasard. Oui. Non, tu vois, mais ça, c'est ça bien... en fait, ouais. Voilà. Donc, ok, peut-être on peut dire que c'est bien fait de ce sens-là. Non, mais je sais pas. Pour moi, c'est un vrai intrigue, tu vois. Bah, c'est une vraie intrigue dans le... Ouais, mais le truc de le meurtre ciblé couvert par une tuerie plus large, je suis désolée, on a vu ça mille fois. Enfin, il me semble que c'est un truc qu'on a pas, je trouve. Après, il y a des ficelles qui sont assez classiques, mais c'est du... Il y a des grosses ficelles, moi, je trouve. Bah, après, je pense que c'est pas le pire en termes de grosses ficelles, mais en même temps, c'est pas un film qui a une prétention dingue à part être juste un thriller et un film d'action, en fait. Du coup, effectivement, il y a des scènes qui sont écrites pour. Moi, je trouve que c'est plutôt bien écrit quand même. Ça se tient, tout se tient. Tu restes en tension sur le truc. Après, il y a des raccourcis forcément, mais bon, c'est du cinéma, c'est Hollywood. Il y a des gros raccourcis et je trouve que le but des grands méchants, il est clair, mais ça reste pas. Il n'y a pas un gros enjeu en fait derrière de. Ok, en fait. C'est des gros méchants, ils butent plein de gens vraiment sans scrupules et tout ça. Et le but derrière, la grosse ficelle du truc de pourquoi ils font ça et tout, ça reste super anecdotique rapport au truc déployé, je trouve. Ouais, c'est des mafieux qui veulent maintenir leur empire et que du coup, cette nana qu'ils ont tuée, ça les empêchait. Du coup, je trouve que ce fil-là, il est un peu mince. Alors, un déploiement de beaucoup trop de choses pour ça. Moi, je trouve qu'il y a un gros déploiement... Pour ce truc-là qui, du coup, reste un peu fragile au niveau de l'écriture, quoi. Vraiment. Je peux dire un truc. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi, et pas tout à fait. Dans le sens où, pour moi, les grands méchants du film, c'est pas les Zecs, mais c'est le père Rodin. Et en fait, toute l'intrigue, c'est... Lui, il choisit toujours des cas simples. Oui, oui. Et personne ne gagne jamais contre lui. La fille qui un peu essaye de se battre contre cet homme, et elle réussit enfin à lui montrer que c'est pas si simple comme il aimerait croire. Et que les Zecs et tout ça, en effet, c'est un peu plus collatéral. Mais en réalité, l'histoire, c'est à l'intérieur, au sein même de la justice. C'est pas les mafieux et machin. Et même, je trouve que... au contraire, moi, l'écriture des scènes de bagarre, je trouve ça génial, notamment celle qu'on vient de voir. Je trouve que c'est vraiment intelligent parce que d'habitude, dans les bagarres, tu vois toujours des coups des ouf, des trucs machin. Là, Jack Reacher, il va aux couilles. Et c'est pas un hasard. Il n'y a pas tant de films que ça qui te montrent une bagarre où le mec, il est efficace et il dit « Ok, c'est quoi qui va faire le plus mal ?» Et moi, je vise ça. Et je trouve que c'est un vrai switch dans les films, justement, de super-héros humains. des vigilantes. Et même des super-héros tout court. Oui. Et même la bagarre avec l'autre gars, même si c'est un peu ridicule qu'il jette sa mitraillette pour se taper, mais ils se font vraiment mal, ils galèrent vraiment, ils sont à moitié. Tu vois, c'est pas les trucs qui sont hyper. T'as ça dans la salle de bain aussi. Oui. Où t'as les mecs qui viennent avec les battes de baseball, mais en fait, c'est tellement petit qu'ils se cognent tous et que ça devient débile. Mais cette scène-là, on en parle, c'est ridicule en fait. C'est juste ridicule. Ils s'empêtrent les... Et là, anecdote, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est très connu. Apparemment, à Pittsburgh, toutes les salles de bain sont très très petites. Et vraiment, et c'est une caractéristique de la ville de Pittsburgh. Du coup, ils se sont dit, on va faire une bagarre dans une salle de bain petite de Pittsburgh. Ouais. Voilà, c'est une anecdote. Et aussi, par rapport au scénario, moi j'ai adoré au contraire qu'au début, il nous montre le méchant et qu'on sait, nous, en tant que spectateurs, on sait déjà que c'était pas James Barr. Parce que ça, c'est moins triché, entre guillemets, sur lui, il veut pas, c'est pas vraiment un thriller. Parce que nous, La vérité, quoi. Il nous le montre à une image, à un truc, et c'est pas ça. Et en fait, lui, il construit tout la climax pour l'arrivée de Jack Reacher, qui pourrait être catastrophique. À 12 minutes, tout le monde parle de Jack Reacher. Putain, les mecs, ils se présentent. Moi, au début, je me dis, putain, mais c'est quoi les premiers mots qu'il va dire ? Et en fait, c'est super bien écrit, parce qu'il dit rien, il dit juste James Barr. Et il a vraiment très bien réussi à maintenir les climax et la présence du personnage, c'est top, quoi. Non, mais on en parle de l'arrivée de Tom Cruise à l'écran ? Enfin, je sais pas si vous avez, mais ça, moi, ça m'a ultra choquée. Oui. Non, non, c'est pas ça. Enfin, il y a ça, ouais, mais j'ai plus les souvenirs précis. Mais on parle de Jacques Christian, nanana, nanana. Ouais. On sent qu'il va arriver parce que du coup, il se prépare et du coup, il fait plein de trucs pour se préparer. Genre, il va acheter des fringues, oui. Il va au comptoir de bus, il va à plein d'endroits. Et là, t'as une succession de plans de meufs qui le regardent. Mais ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et partout, en fait. Ouais, il va acheter une chemise, la vendeuse, elle le regarde en mode rrr. Il va acheter son billet de bus, la vendeuse, elle est là rrr. Et là, on a une succession quand même de 4 ou 5 plans avec des meufs qui le regardent, mais avec genre, mais trop love dans les yeux, quoi. Mais mec, en fait. Je pense que possiblement, vous avez raison sur la mise en scène, le scénario. Et tout. Je pense que moi, ce qui m'a fortement rebutée, c'est cette vision ultra toxique de la masculinité. Et je me disais, putain, on en a fini avec ça. On est en 2012. Ok, je peux pardonner ça sur Top Gun en 1980, mais je peux pas le pardonner là en 2012. Enfin, c'est abusé. C'est vrai que c'est carrément un film de mec et de couilles, carrément. Bah, c'est ça. Grave. Et ce que tu dis, en fait, c'est, tu vois, les meufs qui regardent Jack Reacher, c'est juste pour dire, bah, ce mec a un magnétisme, a quelque chose, un charisme. Bon, tu peux le faire. Ils vont le faire ailleurs, enfin, plus tard dans le film, ils vont le montrer différemment, la stature de Jack Reacher. Là, c'est vrai que le début, c'est ultra caricatural. Ouais, les vendeuses, moi aussi, c'est un peu naze. T'es là, what? Mais même le truc, l'espèce de tension qu'il y a entre Hélène et Jack Reacher. Non, mais la scène de la chambre, c'est pas vrai, tu vois. Ça... Non, mais c'est rigolo. Mais elle tombe très vite dans le truc et c'est pour caractériser encore le truc de lui. Il s'en fout, tous ces trucs-là, il s'attache à pas grand-chose, quoi. Il est au-delà de tout ça. Et surtout pas la blonde avocate. Mais elle, le problème, c'est que ça lui fait perdre un peu du pouvoir qu'elle avait, parce sinon, elle est bien. Enfin, son personnage est intéressant, tu vois. Avec son opposition avec son père, il y a des trucs quand même qui sont chouettes. Mais c'est ça, dommage. Je suis pas d'accord avec toi sur l'écriture de ce personnage-là. Moi, je le trouve justement pas du tout intéressant. Il y a une définition de ce personnage juste par rapport à son père, en fait. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression qu'elle se définit que comme ça. Enfin, c'est ultra problématique. Elle pourrait être un personnage de pouvoir, avocate, machin. Et en fait, il y a toujours la figure de son père qui l'affaiblit grave. Et après, la façon qu'elle a aussi de kiffer Tom Cruise, Jack, qui l'affaiblit aussi. Enfin, elle devient un personnage ultra faible. En fait, quoi. C'est son arche narrative. En fait, c'est son objectif, c'est de se débarrasser de son père. Donc c'est à la fois ça l'a définie, mais en même temps elle met tout en œuvre pour se débarrasser de ça parce qu'elle est dans cette situation là parce que c'est une femme, etc. Du coup, pour moi, ça en fait un personnage du coup ultra faible et pas du tout dans la puissance ou l'action. Je la trouve super faible. Sur la relation au père, je suis pas d'accord. À la rigueur, pour la relation avec Jack, avec Jack, ça c'est nul. Peut-être. Moi je trouve pas ça ni nul ni dérangeant. Je me dis pourquoi pas. Et en plus, elle est pas en mode oh non, Jack Reacher il m'a quitté, tout au contraire, elle est hyper sûre d'elle, elle s'en fout. Oui, en réalité, elle s'en fout, elle rigole à l'extérieur, tu vois, elle dit juste j'étais conne de faire ça. Je trouve au contraire, c'est pas du tout la diminuer en tant que personnage, c'est juste elle a cru qu'il y avait un drague, en fait il y était pas. Non, mais la scène de la chambre là où elle est assise au bord du lit et l'autre il est torse poil. Déjà, pourquoi t'es torse poil? Parce que je fais ma lessive, j'ai qu'une chemise. Il s'approche super près d'elle, enfin c'est quand même ultra malsain, quoi. Mais mais après on y reviendra quand on parlera plus tard de Tom Cruise, du personnage, parce que il y a quand même, ça est tiré d'un bouquin tout ça. Oui. Et mine de rien, ça peut expliquer. Enfin, ça explique comment est caractérisé le personnage. Après, c'est ce qu'ils en ont fait. C'est une autre question. Oui, c'est ce qu'ils en ont fait. Mais je trouve que quand même qu'elle soit un peu sous les charmes. Moi, ça me dérange pas parce que je la trouve suffisamment forte quand les chambres, okay. Lui, il n'est pas, tu vois, il est pas, déjà, il n'est pas contre, il n'est pas pour, ben, en plus, il va quand même la sauver, je veux dire. Il a quand même un attachement, il y a quand même un attachement entre ces deux personnages, mais je trouve que c'est chouette qu'on ne la voit pas effondrer. Après que lui se casse, elle continue sa vie, elle fait son travail, elle défonce tout, et en fait, elle prouve à son père qu'elle avait vraiment raison. Mmh. Et même la relation au père, je la trouve... Elle est hyper... c'est hyper important, c'est central, quoi. Elle est hyper ferme par rapport à lui. Elle lui dit les quatre vérités en face. Son père, il est un peu effacé, en réalité. C'est pas le mec que tu dis, wow, « Waouh, il est hyper intelligent, il est hyper fort. » Au contraire, dans le rapport entre les deux, tu t'es dit, « Putain, la meuf, vas-y, écoute-la, putain, t'es con ou quoi ?» Ouais, mais je, trouve, vois, ça conne... je trouve que le côté, on la pose direct comme la fille d'eux, je trouve que c'est c'est son arc scénaristique. Hein. Il aurait pu avoir un truc un peu plus subtil à cet endroit-là, qui aurait pas gêné pour le, enfin tu vois, pour la suite et tout ce que tu dis de comment elle s'impose face à son père ça. Mais le truc c'est que c'est son frein dans sa vie. En fait, tu vois que elle, en fait, ce qui la freine, c'est ça, c'est qu'elle n'est définie que en étant la fille de. C'est ça qui m'a agacée en fait. Oui. Mais justement. Mais je trouve bien moi. C'est ça, ouais, oui. C'est intéressant ce truc-là. Et en plus, elle, si elle n'était pas. Moi, je trouve qu'elle pouvait seulement, si elle était la fille d'eux, de se retrouver à cette position, elle se mettre contre quelque part. Parce que sinon, ça aurait fait trop la nana. Oui, moi, je me bats pour la justice. Ouais. Et lui, il est méchant. Oui. Tu vois, là, ça a du sens parce qu'elle reçoit un truc. Personne ne se met contre ce mec. Bah, moi, il ne me déteste pas. Donc, je sais pas, il y a un truc un peu... je veux le faire. Au contraire, je trouve que c'est hyper malin de l'avoir mis comme ça et que elle se positionne comme ça. Après, que toutes les nanas tombent amoureuses de Jack Reacher, c'est la lourdeur. Et puis, globalement, les personnages féminins dans le film, bon, voilà. Heureusement que oui, elle est avocate et tout ça, machin. Non, mais moi, j'aime bien Sandy. Mais je dis pas que je l'aime pas, Sandy. Je l'aime beaucoup, Sandy. Et après, Sandy, c'est pareil. Elle a une caractérisation où elle est enfermée à cause de... Enfin, elle est coincée à cause de toutes ses relations avec les mecs, en fait. C'est et c'est les mecs. Les mecs, c'est que des... Tous les mecs qui traînent autour d'elle, c'est que des blaireaux, que ce soit le Gary au bureau, etc. Mm-hmm. Et elle, tu vois qu'en fait, elle essaye de naviguer au milieu de tout ça, mais qu'en fait, elle est d'un milieu populaire, elle est en galère, et tous les mecs profitent d'elle, et en fait... essaye, mais et c'est Jack Reacher qui lui dit mais arrête de faire ça quoi, en gros, quand elle essaye une dernière fois, tu vois, de le retourner, enfin de se servir de lui, il lui dit mais arrête, barre-toi, parce que là t'es plus intelligente que ça, là c'est de la merde, et que des mecs qui se servent de toi. Oui, mais j'entends dans l'idée, mais par rapport à la représentation, encore une fois, on est en 2012, on est encore un peu fragile sur la représentation des personnages féminins, quoi. C'est un peu. Tous les personnages féminins sont écrits avec une lucidité sur le fait que, même si t'es en 2012, elles ont des vies de merde parce que c'est des femmes. Oui, mais ça fait toujours mal, je crois. Ah, c'est sûr. Mais ils essayent pas de te mentir sur le truc, en fait. Ils mentent pas sur leur situation. Oui, c'est sûr. En tout cas, par rapport à Sandy, je suis assez d'accord. Par rapport à comment elle s'appelle, Hélène, je trouve que c'est un personnage bien écrit, au contraire, pour 2012. Et même, je trouve que c'est assez génial qu'il ne tombe pas amoureux. Oui, qu'il ne devient pas l'intérêt amoureux de Jack Reacher. Parce que là, ce serait la diminuer. Mais quand même, ça aurait réduit complètement son personnage. Oui, mais je trouve que quand même, on sent qu'elle a quand même un petit crush pour lui. Juste dans la scène sur les lits. Moi je l'ai ressenti, ce truc là, pas que dans cette scène là quoi. Dans leur regard, leur machin, sa façon de se comporter et tout, tu le sens un peu quoi. Ça rejoint le truc de cette espèce de fascination qui est censé incarner Jack Reacher, parce qu'il est mystérieux, etc. Bon. Le chevalier solitaire. Est-ce que on a encore des trucs à dire sur le film, ou est-ce qu'on s'en garde, parce qu'on va en reparler quand on reparlera de Tom Cruise, hein? Et on se dit qu'on se fait on parle des Oscars. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Et oui. Et the Oscar goes. Les Oscars. Alors, est-ce qu'il y a eu des Oscars pour ce film? Non. Est-ce qu'il y a des gens? Bah non, c'est pas un film Oscar. Est-ce qu'il y a eu des gens dans l'équipe qui ont eu des Oscars? Montage. Non. Ah, dommage. Non. Dommage. Après, j'ai peut-être pas assez bien creusé, mais je n'ai trouvé qu'une personne qui avait un Oscar. Werner Herzog, il n'en a pas. Ah, il a eu une nomination, mais il n'a pas d'Oscar. Comme quoi, les Oscars, c'est vraiment nul. Non, moi, je suis nul en ça. Non, regarde pas, Paulin. Mais c'est pas un comédien. Ah, Duval. Non, Duval n'a pas eu d'Oscar. Qui est-ce Normalement, tu le sais. Hein. Si ah t'as bon suivi un peu jusqu'ici. Ah merde, oui, mais il a eu un Oscar pour Usual Suspect. What the fuck? Non, je pas. Non, bon, je Christopher McQuarrie, qui était scénariste de Usual Suspect. Ah, à chaque fois, ça te surprend. Ça doit ouais, être ça me surprend qu'il était scénariste. Là, ouais, ouais. Suspect, je vois qu'un réalisateur. Voilà. Mais c'est oui, que lui. Sûr. Après, il y avait Rosamund Pike qui a eu une nomination. Ouais. Richard Jenkins, qui fait Rodin, a eu deux nominations. Et le directeur photo a eu 6 nominations et n'a jamais eu d'Oscar. Oh, les pauvres. Caleb Deschanel. Les sous-sous. Ouais. Les sous-sous. Alors, bah, et je suis sûr qu'il en a eu plein des sous-sous, ce film, c'est sûr. Alors, il a coûté 60 millions de dollars. Purée. Ah. Bah ouais, mais bon, terrain vague, course-poursuite, voiture. Cher. Sachant que t'as 35 millions, c'est le salaire de voiture, Tom Cruise. Voiture. 35 millions. Pour Tom Cruise. Non. 35. Putain, c'est... Bah, c'est, à l'époque, c'est pas. C'est pas dingue. Attends, dingue. Le budget global, c'est 65 millions? Oui. Et Tom Cruise, il prend 35 millions. Ouais, ouais. Donc mm-hmm. Il manque 30 millions. Bon, après, il y a des je pense qu'il y a des intéressements, hein, c'est pas son cachet direct, quoi. Mm-hmm. Ouais. Mais bon. Bah, il est producteur en plus du film. Il est producteur, ouais. Oui, donc peut-être. Bref. Attends, il est producteur? Oui, il est producteur. Bah, oui, bah, évidemment, un truc à sa gloire, Chevalier solitaire, blabla. Bien sûr. Bien sûr. Et ce film a-t-il rapporté des sous? Oui. Bah oui, oui, si tu l'as vu en France. Je l'ai vu en France. Ah, au cinéma. Je l'ai vu à Mazamet, figure-toi. Oh, voilà, tu m'étonnes. Alors, ce film, qu'est-ce que je faisais à Mazamet? Ça, c'est une autre question. Oui, on aimerait bien savoir ce que tu faisais à Mazamet, Paulin. J'étais en résidence. Il y avait un film, là où on bossait. Il y avait un cinéma qui a projeté Jack Reacher. J'étais voir Jack Reacher. Oh là, incroyable. Il a rapporté 218 millions de dollars au niveau mondial. Donc, tu en gros, c'est un coefficient de 3,6. C'est pas mal. Ah, c'est beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Mmh. Ouais. C'est pas mal. Un autre truc qui est pas mal, ou pas, c'est Tom Cruise. Ouais. Alors, Tom Cruise, qu'est-ce qu'on en pense dans ce film? Allez, Serena, tiens, vas-y. Est-ce que tu es fascinée ou pas? Je suis pas... Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Certains trucs, ils sont très bien. Certains trucs, c'est un peu gênant. Ouais. On commence à arriver dans la phase où il commence à s'accrocher à un truc un peu gênant. Et donc sur ça, bof. Mais quand même, par exemple, les scènes des bagarres et tout, moi, j'ai vraiment aimé toutes les scènes d'action. J'aime vraiment beaucoup. C'est plus sur les dialogues, j'ai un peu du mal. Ah ouais. C'est la pète un peu trop. Oui, puis il y a des trucs qui marchent bizarrement, qui sonnent bizarrement quand il les fait. Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas tout à fait. Mm. Qui peut-être s'arrangera plus avec Christopher McQuarrie plus tard, je trouve, sur les Missions Impossibles peut-être. Ah, c'est pas le même personnage dans les Missions Impossibles aussi. Oui, mais il y a un peu plus. Là, ça pouvait être marqué d'un peu plus d'ironie. Mm. C'est un peu. Mais bon, voilà. Voilà ce que j'en pense. Après, Forme Splendide, quel bel homme. un petit point coupe de cheveux. Est-ce qu'on valide cette coupe de cheveux ou pas? Bof. C'est pas ça, c'est pas ta préférée. Ça va, c'est clean, mais ça commence à être trop. Ça commence en fait à être la phase où il s'éteint les cheveux, je pense. Ouais, c'est possible. Donc c'est trop. Ouais. Toi, t'aimes quand il est sale de toute façon. Des sales et cheveux grisonnants. Les peut-être, cheveux, voilà, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, j'espère. Oui. Bon, Marilyn peut-être. Non, insupportable. Vraiment insupportable. Gênance absolue. je vois pas d'autre mot. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, sous le coup de la colère. Ouais. Non, vraiment. Après, je pense que ça a trait beaucoup au personnage que je trouve insupportable, ultra problématique. Oui, je crois que je peux plus voir ce genre de personnage au cinéma. En fait, j'en peux plus. Je trouve ça. Enfin, c'est gênant. Et du coup, Tom Cruise. Bon, j'ai l'impression qu'il tourne sur deux expressions. Vraiment, clairement, en fait, tu vois. C'est toujours une de plus que Ben Affleck. Pauvre Ben. Non, vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. Et limite, ça me met en colère, quoi. Comment, tu vois. Est-ce qu'on redéveloppe ce truc du chevalier solitaire qui n'a aucune loi, aucune attente? tâche, qui s'exprime en très peu de mots et en très peu de, d'émotions. Je suis absolument pas sensible, moi, aux scènes de bagarre, aux scènes d'action et tout ça. Moi, ça me passe au-dessus. Donc, j'ai même pas ça pour me dire « Ah, cool, ouais, elle est bien faite, cette scène, plaisir, en fait. » Je prends zéro plaisir. J'ai juste de la colère, en fait. Tu vois, t'aimes pas les... Ouais. Bon, t'aimes pas les scènes de bagarre. Non, je pense que ça permet de resserrer le concept de film du dimanche pour Marilyn, qui n'est pas le même concept que film du dimanche pour moi. Voilà, Marilyn, c'est ça. Mais c'est ça, demande à moi. Non, mais après, et quand même, tu vois. Je pense qu'on a les mêmes films du dimanche. Mais en vrai, j'aime quand même bien les films d'action. Et je sais que j'en ai apprécié dès qu'il était super problématique aussi. Oui. Ça me vient pas en tête et tout, là, tu vois. Mais là, celui-là, je sais pas, il a cristallisé un truc vraiment de... non, arrêtez, quoi. Les courses de bagnoles, les bagarres dans les bars, les terrains vagues avec des bagarres sous la pluie, avec le couteau entre les dents. Non, mais les gars, on est où, quoi? On est où? C'est pas possible, quoi. Ah, mais la course poursuite, on en a pas trop tellement Moi, j'ai quand même kiffé le coup du bus. Que le mec lui file sa casquette pour qu'il passe inaperçu. Là, j'ai eu un sourire. Et comment il s'appelle, Duval, je l'ai trouvé super. Et il y a juste ces... Le duo avec... Il reforme le duo de Jour de Tonnerre. Vraiment. Bon, et peut-être... Oui. Ces deux trucs-là, je les sauve. Mais c'est tout. Et je trouve que Tom Cruise, il commence à faire vieux beau, là. Ouais. Clairement. Ouais, je suis désolée, mais torse poil dans cette scène-là qui m'a vraiment foutu en colère. et tu te dis, mec, fais gaffe parce que tu te décrépis. Et du coup, ça le fait pas, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on le fera plus tard. Mais il y a le Jack Reacher, il y a une suite. Ouais, mais là, justement, là, c'est bien. Là du coup, il joue avec ce truc-là, avec le fait qu'il est vieux. Et ça doit être le premier film, je crois, où tu sens que Tom Cruise est conscient qu'il est plus âgé. Et du coup, c'est plutôt chouette. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce film. Non, mais c'est clair. Mais moi aussi, effectivement. Et toi, Paulin, peut-être Tom Cruise, Tom Cruise, j'en pense quoi? Pareil que toi, un peu. Je suis pas complètement convaincu par le fait que ce type de personnage lui aille. Parce que Jack Reacher, tel qu'il est écrit, c'est vraiment un gros connard de droite, quoi. C'est un mec qui fait justice tout seul, qui respecte personne, qui s'en fout, quoi. Et Tom Cruise, il a toujours ce truc de dire « j'ai envie de jouer ce rôle parce que c'est un truc un peu fascinant, charismatique, mais en même temps, je suis quand même un bon gars, tu vois, je veux pas écorner complètement. » Du coup, quand il fait ses vieilles réflexions de gros macho, comme tu connais l'image de Tom Cruise, tu te dis « ouais, mais ça marche pas trop, en fait. Il fait trop clean. » Pour faire ce mec vraiment cet anti-héros complet, quoi. Il y a ce truc-là, je trouve, et c'est toujours... Mais c'est un des problèmes dans plein de films. C'est comment Tom Cruise, en tant qu'acteur, arrive à dépasser son image de Tom Cruise, la superstar que tout le monde connaît déjà et où tout le monde projette déjà quelque chose quand tu vois Tom Cruise. On en parlait dans l'épisode précédent sur Rock of Age, où là, ça marche parce que ça joue avec ce truc-là aussi. Mais des fois, sur un film comme ça, où justement, ça mériterait qu'il soit plus anonyme pour qu'on projette rien sur lui quand on le voit et qu'il puisse déployer du jeu et qu'il n'y ait pas ce truc-là, je trouve que ça marche moins bien. Oui, oui, je suis d'accord. Mais voilà. Après, j'aurais d'autres choses à dire, mais je les garde pour la question, parce que j'ai une super question pour vous, je pense. Wow. Mais il faudra que tu réponds aussi, parce que sinon... Oh, oui, non, mais t'inquiète. Ah. Du coup, on se fait un petit cruisomètre ? Allez. Ah ouais, bim, boum. Si, si. Wow. Bah, je sais pas. Si, si. Bon, on va pas perdre plus de temps. On avance. Allez. On avance. C'est l'heure du coup. Et oui, le cruisomètre, cette échelle de 0 à 100, exprimée en pourcentage, que Marilyn va défoncer dans 2 minutes. Marilyn, qui a déjà, la saison dernière, nous a pourri notre cruisomètre en mettant je ne sais plus combien à Tropic Thunder. 98. 98, ça fausse tous les chiffres. Je suis désolée, pour moi, c'est encore le meilleur rôle de Tom Cruise jusqu'à présent, Tropic Thunder. Voilà. Bah, tu n'as pas tous vu les films. Non, je ne les ai pas tous vus, mais vraiment, là, oui. T'as pas vu Eyes Wide Shut, tout si, ça. Si, j'ai vu Eyes Wide Shut. Mais rien ne surpasse le rôle de Tom Cruise dans Tropic Thunder, je suis désolée. Donc Tropic Thunder, ça, c'était film du dimanche, par contre. Grave. Voilà. Voilà. Il faut récalibrer, là. Non, c'est bon. Ouais, là, je pense qu'on commence on va plus se trouver. Plus danse, moins bagarre. Il y a des insultes, par contre. Ça, les insultes, on peut y aller, quoi. Là, on peut y aller. OK. Ouais. Alors, qui veut donner sa note de cruisomètre? Est-ce qu'on commence par Marilyn, comme ça, on rééquilibre? Non, commencez par vous, parce que moi, je vais m'équilibrer par rapport à vous aussi. J'ai pas envie de vous repourrir une saison de cruisomètre. Oh, tu peux. Ah, oh, tu peux. C'est très grave. Qui se repère avec ce cruisomètre? Je ne sais pas. Même pas nous. Même nous, on ne sait plus où on en est. Alors, je démarre. Ah, démarre. Allez, je démarre. Du coup, moi, j'ai mis 64%. Ah oui. Oh. C'est beaucoup quand même. Bah, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas dingo, quoi. Non, c'est pour dingo. Pour j'aurais le caler dans plus. Un endroit, il doit être juste en dessous de collatéral, enfin, dans ces eaux-là, parce qu'en fait, il est pas majeur. Mais en même temps, c'est compliqué d'enlever l'affect que j'ai pour ce film. Mais en même temps, c'est la première vraie grosse réalisation, production avec Macquarie qui va définir quand même des choses. Ouais. C'est une nouvelle franchise qu'il essaye de lancer. Donc, c'est intéressant aussi dans son parcours. Je trouve intéressant dans le parcours. C'est un film, mine de rien, qui a marché, qui a reçu des critiques plutôt correctes. Hein, parce que les critiques, si je dis pas de conneries, c'est 64% chez Rotten Tomatoes. Enfin, c'est toujours pas trop mal. C'est un thriller. Il n'en a pas fait depuis La Firme, je crois. C'est les derniers thrillers qu'il a fait, ça doit être La Firme. Ah ouais. Et moi, j'aime bien La Firme, j'aime bien quand il fait ce genre de rôle. Alors là, c'est autre chose. Ce qui me fait descendre, c'est ça, c'est sa capacité à vraiment bien incarner le personnage, où j'ai des petits doutes. Mais bon, il y a aussi un peu d'affect sur ce film, ouais. Qui est le film qui m'a fait redécouvrir Tom Cruise. Et donc, ouais. Ce pourquoi on est là aujourd'hui, quoi, les gars. Oh, ouais. Purée, mais Paulin, ça te... Ah ouais, ça me perturbe. Alors moi... Oh, c'était en 2012, j'étais jeune. Marilyn... Je dois te dire aussi un truc. Ah, finesse. J'avais envie de mettre. À 400%. 99% pour t'embêter le mettre au-dessous de. Ah, vas-y, hein. C'est non, ton non, émission, Serena. Non, mais moi, je me suis dit. J'ai adoré ce début, vraiment, je le trouve génialissime. Trop bien fait. Et j'ai adoré ces premiers 8 à 12 minutes. J'ai adoré la bagarre, les trucs des couilles, moi, ça m'a fait planer. Les trucs où ils galèrent à se bagarrer, je trouve génial. Ouais. J'adore Jack Reacher 2. Donc, ouais. Contrairement à la plupart des gens. Bah oui, je sais, mais ouais. Voilà. Ça va toucher dans mes problématiques. Donc, je trouve que c'est bien que ça existe pour que les deux existent. Macquarie, bien sûr. Qui va être important. Et Werner Herzog, qui me fait plaisir qu'il soit là, comme ça, à faire ses vieux méchants. Ce petit cachet là, tranquille, il vient prendre le cachet. Ça m'a fait trop plaisir. Et ouais. Bon. Donc, en réalité, moi, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il tue les méchants à la fin. Qu'il s'assoit pas. Et voilà, oui, il l'a emmené en prison et finalement, tout s'est bien résolu. Un peu après, c'est l'excuse, souvent. Mais en même temps, c'est le personnage. Hein. C'est que lui, c'est sa conception de la justice et voilà. Oui, voilà. Mais bon, c'est le personnage qui a écrit comme ça. Je suis pas complètement contre et qu'il n'y a pas eu des bisous. J'ai noté ça. Je trouvais ça bien. Donc peut-être je ne vais pas donner 99%. Mais au moins, et il faut dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait le podcast. Parce qu'après que j'ai vu l'émission Impossible, tu m'as dit « Regarde Jack Reacher oui. ». Et c'est là où ça a commencé, où on a commencé à discuter. Donc je dirais 75% au moins. Et c'est là, tu vois, qu'on a le même film du dimanche. Ouais, voilà. Oui, c'est carrément. Ça. 75 du coup. Ok. Ok, bon, moi j'étais partie vraiment pour pourrir le truc et mettre deux. Deux, c'est plus que Valkyrie, par exemple. Et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. J'espère que c'est quand même plus haut que Valkyrie. Vous savez qu'en vrai, je me laisse toujours convaincre par vos très très bons arguments. Donc, clairement, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas eu de bisous, même si je trouve encore que le rapport du côté du personnage féminin, il est un peu problématique. Ouais. Mais je suis contente qu'il n'y ait pas eu de développement amoureux. Donc, ça, c'est un bon point. Je suis plutôt convaincue aussi par le fait qu'il le bute à la fin. À un moment donné, malgré la faiblesse de plein de choses, je trouve que ça pose à un moment donné la justice à ses limites, clairement. On le voit avec le père aussi. Ouais. Et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir trouver d'autres solutions que cette justice un peu toute pétée. Voilà. J'ai adoré Duval, la scène du bus. Tout ça, mis bout à bout, ça fait au moins 40. Ouais. On a gagné quand même. Vous avez gagné 38 points. Vous êtes fort. C'est pas mal. On espérait, mais alors on ne pensait pas tant que ça. Cool. Je sais pas combien on a réussi à gagner sur Top Gun la dernière fois. Pas mal, je pense. Pas mal, parce que c'était mal, parti bas finir... aussi. Hein. Ah oui, je sais pas combien t'étais non, parti. Non, mais c'est pas pareil. Là, c'est comme toi. J'ai une relation affective à Top Gun. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec celui-là. Là, j'ai zéro affect avec ce film-là. Donc voilà, Top Gun. Je pouvais pas descendre plus bas parce que j'ai un truc affectif avec ce film aussi, malgré le fait qu'il soit tout autant problématique en fait. Oui, pour mais après, moi, mais... Comme, si tu as une autre lecture de Top Gun, il devient moins problématique. Ah bah, Val Kilmer quoi. Val Kilmer et Tom Cruise, là, oui. Du coup, tu avais fini à 70%. Oh purée, ah ouais. Pas mal, pas mal. Alors, t'étais peut-être pas partie de deux. Hein, mais... Non, j'étais pas partie de deux. Du coup, ouais, Rotten Tomatoes, je l'ai dit, c'était 64%. Donc ça va être à peu près là où on va se situer, nous. Ouais, je pense que ça va faire. Et Allociné, 3,7. Les spectateurs français aiment Jack Reacher. Eh ouais. Étrange. Étrange, non. Pourquoi étrange? Ils aiment Mission Impossible, ils aiment Jack Reacher, ils aiment plein de trucs. Hein, tu sais. Et on fait des recommandations, non? Oui, mais d'abord, nous en avons une question. Ooh. Why is Tom Cruise always Tom Cruise? Why is Tom Cruise Ken always Tom Cruise named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise Ken Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter. Tom Cruise did Tom Cruise plane? Really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Alors, ma question, elle demande énormément d'explications, mais ma question finale, retenez-la, mettez-la en tête. Est-ce que la taille, ça compte? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Jack Reacher, c'est à la base une série de romans écrits par Chris Child. Chris Child ? Oui, un truc comme ça. Lee Child, pardon. Et le personnage dans le roman, c'est un très très grand mec qui fait 2 mètres, qui est blond, qui est très très baraqué, qui est très imposant physiquement en fait. C'est une espèce de masse qui est très charismatique, très inquiétante et qui est un peu bas du front, qui est un peu très... C'est un mec de droite, quoi. Vraiment, c'est justice, c'est bagarre, etc. Quand l'adaptation de Jack Reacher a commencé à sortir et qu'on dit que c'est Tom Cruise, tout le monde dit « Non, mais ça ne peut pas marcher, Tom Cruise est petit. » Ouais. Lee Child, l'auteur des romans, qui lui aussi fait 2 mètres, en fait. Le personnage est un peu à son image. Hein. Donc je pense que le mec, dans la vie de tous les jours, il doit être assez horrible. Ouais. Mais bon, passons, c'est pas grave. D'ailleurs, il fait un caméo dans le film. Il est à la réception de la police. Bref, on s'en fout. Ah, c'est celui qui fait... C'est ça. Ah, trop bien. Ah, mais oui, plaisir. Grave. Attends, on ne connaît pas, c'est un connard. Non, mais ça fait plaisir parce que c'est un peu... Non, mais le clin d'œil est sympa. Le clin d'œil est sympa. C'est sympa. Donc, le personnage est comme ça. Donc, tous les gens disent, oui, ça ne va pas marcher. Et Lee Childs, au moment où ça sortait, il a dit, mais je préfère avoir 80% de la taille de Jack Reacher, mais avoir 100% de Jack Reacher avec Tom Cruise que d'avoir un acteur moyen qui va nous faire 80% de Jack Reacher et 100% de la taille. Ouais. Vous voyez le truc? Oui. Wow. Il dit en gros, la taille, c'est un détail si on fait vraiment le personnage. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... Le personnage étant écrit comme ça, il faut que Tom Cruise... Et c'est là où moi, je trouve la limite. Je pense que même si c'est pas qu'une histoire de taille... Comment tu interprètes ce type de personnage quand même qui est très massif, très puissant? Alors sur les scènes de combat ça marche bien parce qu'il a ce côté sec et brutal. Après sur le reste, comment tu fais le truc? Ouais. Et dernière information pour que vous puissiez répondre, et je vous reposerai la question, c'est que plusieurs années après, en 2018, Lee Childs, lors d'une interview, dit que c'était une connerie finalement d'avoir pris... Il a fait complètement marche arrière en disant non, Tom Cruise, ça marche pas. C'était très important. La taille, c'était très important d'avoir un acteur très grand. Et il a expliqué, il a dit c'est pour ça qu'il n'y aura plus de Jack Reacher au cinéma et qu'il a vendu les droits pour le faire une série sur Netflix. Où le personnage est immense. C'est un blond qui a une tête de militaire et basta. Que j'ai pas vu la série, après je ne juge pas. Mais du coup, voilà, on sait pourquoi il n'y aura plus de Jack Reacher au cinéma, après le 2, et que Lee Childs, du coup, a finalement dit tout ça. Donc la question, est-ce que la taille, ça compte? Vous avez 3 heures. Bah du coup, moi j'aurais tendance à dire ouais, peut-être. Parce que du coup, je l'aurais peut-être pas ressenti comme ça si le personnage principal, il était à fond dans le cliché aussi du truc. Genre l'espèce de montagne, tu vois, il y a ce que t'exprimes du décalage par rapport au jeu de Tom Cruise là-dedans. Du coup, peut-être que je me serais fait plus prendre et j'aurais été moins dans la colère de l'analyse, de la masculinité toxique, blabla, si le... Oui, tu t'en serais dit, on est full cliché. On est full cliché, on est dans l'archétype du grand héros massif, blond, allons-y dans le cliché, machin. Et du coup, je me serais peut-être plus laissé prendre au truc, clairement. Ouais. Il y a peut-être un truc qui a fait résistance parce que c'était Tom Cruise et qu'au final, je le vois plus comme quelqu'un d'agile, de malin, de machin, mais pas dans ce truc-là de superpuissance, en fait, qui fait contrepoids, là. Ok. Très bonne réponse, très intéressant. Ouais, très intéressant. Paulin, peut-être t'as une réponse aussi à donner. Non, je trouve que c'est dommage de ces trucs-là. Tu sais, il y a toujours quand il y a une adaptation. On l'a vu récemment avec Le Seigneur des Anneaux là où ils disaient ouais, mais il y a des elfes noirs. Oui, bah ferme ta gueule, ça. T'en fous. Il y a des orques. Les orques, ça n'existe pas. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais. On s'en fout. C'est toujours chiant les gens qui font oh oui, mais alors il a fait pas exactement la même taille, il a pas la même moustache, il a pas machin. C'est un peu relou en fait. C'est des adaptations en fait. Là, Christopher McQuarrie, il a beaucoup adapté le bouquin. Parce qu'il fait du cinéma, il fait pas un bouquin, donc c'est normal, c'est important. Après, la limite, c'est ça, c'est que par contre, ce personnage très caractéristique qui est vraiment ouais la brute un peu facho quoi. Ouais. Est-ce que c'était quand même une bonne idée que Tom Cruise aille là-dedans, sachant qu'il peut pas l'assumer, même si ça se trouve c'est un gros facho dans la vie, on sait rien, tu vois. Mais il n'arrive pas à l'assumer. Et après, est-ce que physiquement il aurait pu dépasser ce truc-là? Il y a des scènes où ouais, je trouve, il y a des scènes où vraiment il a cette espèce de brutalité qui marche. Mais peut-être qu'il fallait trouver d'autres manières de les caractériser encore. Alors, je sais pas. Ou alors transformer légèrement le personnage en le mettant un peu plus justement agile, sournois et moins que dans de la force brute. Je ne sais pas. Mais c'est là effectivement qu'il y a un truc. Mais voilà, je n'ai pas de réponse directe. Ouais. Bah moi je me dis et si ça avait marché vraiment? Tu vois, si c'était devenu les deux, ça avait tout cartonné, oui. Et ça avait vraiment marché. Est-ce que l'écrivain, ils auraient dit ça? Il y a un truc aussi de... Bah, du coup, il a pu revendre ses droits à la télé. C'est con, mais en fait... et ça continue sur son truc. Et si ça avait vraiment marché, qu'on avait une putain de trucs... à la Mission Impossible, peut-être il aurait pas dit ça. En fait, le truc de la taille, pour moi, c'est un peu bâtard aussi du succès que c'est au moins du film. Quoi. Le 2 a pas dû lui plaire, parce qu'effectivement, le 2, ils essayent de quand même un peu plus écorner le personnage de Jack Reacher. Ouais. Et je pense que ça a pas dû lui plaire. Il s'est dit non, machin, pour moi, c'est pas la question de la taille. C'est parce que c'est dans les deux, justement, il joue avec le fait qu'il est faible parce qu'il est vieux. Donc, il y a un peu ces côtés du corps. Et en même temps, il est génial. Hein. Ce n'est pas non plus la dernière des merdes, mais c'est peut-être ça plus que la taille. Que bof. Ouais. Mais je comprends ce que Marilyn a dit. Je trouve très intéressant. Ouais. Bon, encore une fois, on n'a pas de réponse sur ça. En même temps, moi, le Jack Reacher, que j'aime bien Jack Reacher, série, ça me donne zéro envie parce que c'est un mec qui me répulse. Bah, c'est... Là, c'est... De mettre machin, ça ne donne pas envie de le voir. Autant... À mon grand désarroi, je repars d'ici en ayant envie de voir le 2. Franchement, on a gagné 30%. Je suis extrêmement triste. Autant, franchement, la série m'est jamais de la vie. Quoi. Non, jamais de la vie. Mais du coup, c'est bizarre parce que tu te dis, les mecs, c'est vraiment ça. Mais quand je le vois à l'image, je me dis, ah non, pitié. Bah, tu as vraiment la crainte de te dire, il va y avoir zéro finesse. Et du coup, surtout sur une série. Ouais, encore sur un film, effectivement, tu dis c'est un film bas du front, premier degré, mais c'est qu'un film, quoi. Et après, on oublie. Sur une série, c'est-à-dire que c'est un truc qui doit être sur la longueur. Si c'est un truc sur la longueur avec zéro finesse, ça va être problématique. Ouais. Bon, on n'a pas répondu complètement, mais... C'est ouvert. C'est ouvert. Des recommandations. Alors, Serena, une recommandation. Alors, moi, j'ai une super recommandation. Quand on cherche un homme pour résoudre des enquêtes, on appelle Jack Reacher. Mais quand on cherche une femme, Marilyn, qui appelons-nous? Eh bien, nous appelons Veronica Mars. Yeah, baby! C'est incroyable, les gars. Mortel. Regardez la saison 1. Pas la 2, c'est nul. Mais la saison 1 de Veronica Mars. C'est vieux, Veronica. C'est hyper grave. Il est sur Amazon Prime. Je me le suis tapé là. Parce que je le regardais petite. C'est vraiment une belle enquête. Chaque épisode, il y a une enquête du fond, vraiment puissante. Et une enquête à chaque épisode, un peu plus légère. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Okay. Super personnage féminin, super personnage secondaire. Tout est bien. Année 2000, je pense même. Peut-être. Un peu plus vieux. Fin 2000, Fin 90 même. Non, peut-être pas quand même. Pour l'époque, Veronica Mars. Allez, Veronica Mars, c'est noté. C'est noté. Marilyn, est-ce que tu as encore besoin de réfléchir ou est-ce que tu as ta recommandation? Non, moi, j'ai pas du tout de recommandation puisque j'étais arrivée juste avec la rage. Ouais. Mais tant qu'on y est, alors ça n'a rien à voir, mais je suis en train de re-regarder Easy, qui est une série, alors c'est sur Netflix. D'accord. Et on pourrait le prendre comme une enquête... sur les relations humaines et sociales, si on veut se relier à l'enquête pour rester dans le sujet d'aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, elle vaut vraiment le détour et elle est peu connue. Donc allez-y, ça s'appelle Easy. Je ne connais pas. Mais c'est un documentaire ou c'est fiction? Non, c'est fiction. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Trop bien. Moi, j'ai une double recommandation, on va dire. Et j'ai repensé à un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, je trouve que Jack Reacher, c'est Columbo. Parce que le mec, il arrive, tout le monde se dit, mais c'est qui Jack Reacher, machin. Il arrive, il fait, non, mais c'est bon, on s'en fout, on s'en fout. Et puis finalement, il fait, au fait, le détail de... Du parkmet. Ah oui, le truc oui, du oui. parkmet. Ah non, mais je dis ça, je dis rien. Et puis alors, en fait, bon, bref, voilà. Dans oui, la construction, je trouve qu'il y a un truc à la Colombo où, pareil, tu sais, tu sais au début qui est le tueur, mais tu vas détricoter. Ouais, bref. C'est pas mal ça. Mais c'est pas ça ma recommandation. Ah là. Ma recommandation, c'est un comics américain qui s'appelle Rock Candy Mountain, comme la chanson. C'est écrit et dessiné par Kyle Starks. Et attends, ça s'appelle comment? Rock Candy Mountain. Ok. Comme la chanson In the Big Rock Candy Mountain. Je connais pas la chanson. Bref. Mais c'est pas grave. Et donc c'est un comics qui est en verse qu'on peut pas trouver en français encore, je crois. Mais tu peux l'acheter en version originale ou le télécharger comme tu veux, légalement ou pas. On s'en fout. Et c'est l'histoire d'un vagabond, parce que Jack Reacher est un vagabond puisqu'il oui, n'a rien, etc. Il prend des bus. Il prend des bus, quoi. Des trains, des bus. Et là, c'est vraiment le vagabond, tu vois, le mec qu'on voit dans les films, le hobo, quoi. Celui qui est dans les trains, etc. Mais il est particulier. Alors, c'est un complètement foutraque, hein, cette BD. Mais c'est très, très particulier. C'est qu'il a, il a un pouvoir, parce qu'un jour, il a fait un deal avec le diable. Et il a un pouvoir, il ne peut jamais perdre à la bagarre. C'est impossible qu'il perde à aucune bagarre. Oh. Du coup, un peu comme Jack Reacher, tu vois. C'est Jack pas Reacher, mal. La bagarre. Et il a pour objectif de trouver Rock Candy Mountain, qui est le paradis des hobos, tout ça. Et après, il y a plein d'autres personnages. C'est complètement idiot et c'est assez fantastique, vraiment drôle. Et ouais. Deuxième double, enfin twist recommandation, même si on n'a plus trop de temps à force. C'est toujours du même auteur, Kyle Starks. C'est aussi un comics en VO. Ça s'appelle The Six Sidekicks of Trigger Keaton. Waouh, wow, c'est le sidekick of Trigger Keaton. Et c'est un truc sur, en gros, il y a un acteur phare de Hollywood qui est décédé, qui s'appelle Trigger Keaton, qui est une espèce de Clint Eastwood. Ça va, un gros facho, un mec un peu pas sympa. Et tout le long de sa carrière, il a toujours eu des sidekicks, enfin des acolytes dans ses films. Il en a eu 6. Et le jour de son enterrement, tous ses acolytes se retrouvent entre eux et essayent de comprendre pourquoi il est mort, qui l'a tué, etc. Et ça part en cacahuète dans tous les sens, avec notamment, ils doivent se battre avec le syndicat des cascadeurs. Enfin bon, c'est complètement débile, c'est pour vous dire. Donc, ouais, trop bien. Les BD de Kyle Starks sont très drôles, mais sont jamais traduites en français, je ne sais pas pourquoi. Donc s'il y a des éditeurs qui ils nous ont écoutent, un appel. Franchement, éditez-les, c'est génial. Ok, trop bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? mais c'est la fin. Mais oui, c'est la fin. Oh non. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Nous allons vous parler de Oblivion. Ouais. Alors, l'enthousiasme vient de tomber d'un cran. Bon. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Vous mettez des étoiles là où il faut mettre des étoiles, des pouces là où il faut mettre des pouces. Des vous cœurs. Mettez des cœurs là où il faut mettre des cœurs. Vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout. Enfin, on non, vous suit. On est d'accord avec vous, quoi. Je veux dire, on vous suit, on vous soutient. On est une équipe. Marilyn, on peut t'as une actualité à part la haine. Si on veut te voir mettre de la haine, c'est sur Twitter. Ouais, sur Twitter. Normalement, sur Twitter, il y a la haine. Voilà, Marie ça, carrément. Mais Marie carrément. Oui, essentiellement, non pas que de la haine, mais en tout cas, oui, des choses pour faire péter le patriarcat et l'État, quoi. Allez. Globalement. Bim. Ça c'est fait. Hashtag Jack Reacher. Balance ton Jack. Balance ton Jack. Serena, rien de spécial. Rien, toi, on te retrouve dans 2 semaines dans les voilà, écouteurs. Et toi, t'as déménagé? Moi, j'ai déménagé, donc ça va. Faut que je range maintenant. Mais voilà. Carton. Et on a réussi à peu près à sortir les épisodes malgré les déménagements et tout ça. Donc ouais, ça va, c'est cool. Ça, c'est cool. Sinon, vous pouvez aller sur PodCloud. Il y a un catalogue de plein de podcasts qui sont bien. Ils sont très gentils, très accueillants et puis ils font du travail de qualité. On a un site internet, cruisecontrol.card.co, ouais. Pour retrouver tous les épisodes. Je sais plus, on le dit tellement en fait, que si vous êtes arrivé là, on est épisode 34, si vous êtes arrivé là, normalement ça va, tout quoi. Ça, vous connaissez, vous le savez. Mais parlez-en à vos amis. Parlez-en quand même à vos amis, c'est vrai. Bah ouais, ouais. Ça bah oui, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y aura des gens qui écoutent, qui seront contents. Et qui... Bien sûr. Et qui viendront au prochain live, quand on fera un live. Ah, il y a des gens hein, qui aiment Tom Cruise, qui nous suivent sur Instagram, ils ont l'air un peu chelous. Hein. C'est secret. Ils sont américains, ils sont scientologues. J'hésite à les supprimer, ça me fait peur un peu. Ah ouais. Ouais, je pense. Ils ont juste vu Tom Cruise, ils ont cliqué, tu vois. Bref. Ok. Allez, on se laisse sur ces bonnes paroles. On vous dit à dans 2 semaines. Des bisous. Des bisous. Bisous. I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump.